Jama'at al-Tabligh. Enseignement du shirk, polythéisme, dans le livre Fada'il al-A'mal. Partie 1. Lecture dans Fada'il al-Durud. La louange est à Allah, nous le louons, demandons son aide et son pardon. Nous nous mettons sous sa protection contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, celui qu'Allah égare, il n'a point de guide. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée, excepté Allah, seul et sans associé. Je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. La parole la plus véridique est la parole d'Allah, et la meilleure voix est la voix de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses en religion sont les choses rapportées. Et toute chose rapportée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Cet article qui est le premier de la série est compilé de manière à informer le musulman qui aspire et s'applique à connaître l'islam. L'islam est tel qu'il a été révélé par Allah à son messager sallallahu alayhi wa sallam, loin de tous les changements, suppressions et ajouts. Mais aujourd'hui, une ombre a été jetée sur la vérité. Le shirk, association, et la bid'a, innovation, ont une prise ferme sur les musulmans. La fausseté a pris le visage de la piété et les ignorants l'habit du savant. Le soutien partisan illégitime à un groupe, parti ou organisation a divisé les cœurs des musulmans. Les règles des partis et des groupes dépassent les lois du Coran et de la Sunna authentique. La traduction fausse des versets du noble Coran et les événements de la Sira, histoire du prophète, pour convenir aux ordres du jour du parti, sont nombreux aujourd'hui. Parmi ces groupes se trouve Jama'at Tabligh ou Tabligh al-Jama'at. Ce parti est né dans les années 20 et beaucoup de musulmans ont dit qu'il pourrait être une création des Anglais coloniaux afin de diviser les cœurs des musulmans avec de fausses croyances et supprimer l'esprit du djihad. Mais les adhérents au Coran, à la Sunna et au Minhaj, des plus prédécesseurs, ne se livrent pas aux théories conspiratrices et ne s'occupent que de ce qui est vrai et évident. Jama'at al-Tabligh prend son enseignement du livre « Fada'il al-A'mal »« Vertu des œuvres » écrit par Mohamed Zakaria Qandah Lawi, sur la suggestion de Ashraf Ali Thanwi, les deux prétendus grands de l'école Deobandi en Inde. Aujourd'hui, Jama'at Tabligh est considéré comme le plus grand groupe évangélique appelant les musulmans à la prière, au jeûne, au hajj, etc. Ceux qui se réclament de cette Jama'at prétendent que le livre Fada'il al-A'mal, également connu sous le nom de Tabligh al-Nisab, est la compilation de divers versets du Coran et de hadiths décrivant les vertus et les grandes récompenses du hajj, de la zakat, de la salat et du dhikr, etc. Mais un examen approfondi de ce livre à la lumière du Coran et de la sunna authentique révèle l'enseignement horrible du polythéisme, du shirk, des innovations, bid'a, des mensonges sur le messager d'Allah, rabaissant la génération pieuse des compagnons nobles et des savants. En effet, au nom de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des gens pieux, Shaitan a séduit cette secte et les a attirés dans le shirk, polythéisme et le kufr, mécréance, auquel ils semblent être aveugles. Cet article et plus tard des études sur le livre fourniront des arguments irréfutables avec des références précises pour montrer, Inch'Allah, que l'idéologie propagée en ce livre n'est rien d'autre que le culte des tombes, la supplication d'autres qu'Allah, et pour montrer que la aqida, croyance propagée dans ce livre n'a rien à voir avec l'islam, mais plutôt avec le paganisme, qu'Allah nous en protège. Shirk dans la section Fada'il Durud. Vertu des salutations sur le prophète. Quant au fait de prier sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est parmi les plus grandes vertus et les actes les plus précieux. Et la façon de prier sur lui est indiquée dans la sunna authentique. Et est loin des mensonges et des innovations que vous lirez bientôt dans cet article. Des livres de Jama'at Tabligh, il est important de noter les grandes innovations et exagérations qui ont été faites autour du fait de prier sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont le plus souvent connues comme telles. 1. La croyance dans le culte des tombes, dans Fada'il Durud. C'est la croyance de tout musulman qui invoque et implore autre qu'Allah, exemple les anges, les saints, les prophètes morts, les disciples, en période de détresse ou de facilité, avec la certitude que cet être a la capacité de supprimer la détresse et la douleur, ou que par l'intermédiaire de cet être, la détresse et la souffrance disparaissent. Ceci est un acte de shirk. Allah a indiqué dans le noble Coran, dans le sens du verset et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu serais alors du nombre des injustes. Surat Yunus, verset 106. Également dans le hadith authentique d'après Aïcha, qu'Allah Salama a mentionné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'en Abyssinie, elle a vu une église couverte d'images et de statues. Il sallallahu alayhi wa sallam dit: quand un homme droit ou un adorateur pieux parmi eux meurt, ils établissent un lieu de culte au-dessus de sa tombe et installent toutes sortes d'images et statues. Ils sont les plus mauvais de toutes les créatures d'Allah. Ils combinent deux mots, adorer des tombes et la fabrication des images et des statues. Rapporté par le Bukhari Muslim. Également dans le Bukhari Muslim, on rapporte que Aïcha, qu'Allah agréa, a relaté, quand la mort vint au messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à tirer un morceau de tissu, drap, au-dessus de son visage, le couvrant parfois et le retirant parfois en raison de la douleur. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans cet état: que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, pour avoir pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. Ainsi, il, sallallahu alayhi wa sallam, a averti les gens au sujet de leurs actions. Muslim a rapporté que Jundub ibn Abdullah Kalalagri qui rapporte: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire seulement 5 jours avant sa mort: je me dégage devant Allah d'avoir pris quelqu'un d'entre vous en tant que Khalil, ami intime. Vraiment, Allah m'a pris comme Khalil, comme il avait pris Ibrahim alayhi salam comme Khalil. Si j'avais pris quelqu'un de ma communauté comme Khalil, j'aurais pris Abu Bakr. Prenez garde, ceux qui vous ont précédé faisaient des tombes de leurs prophètes des lieux de culte. Prenez garde, ne prenez pas les tombes, quelles qu'elles soient, comme lieu de culte. Je vous en interdis de le faire. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit ceci à la fin de sa vie. Après ceci, l'interdiction de prendre des tombes comme lieu de culte. Il a maudit ceux qui agissaient ainsi dans ce contexte. L'imam Abu Hanifa a dit: il n'est profitable pour personne de l'invoquer, excepté par lui, et avec la supplication qu'il a permis et a commandé, comme cela est enseigné dans sa parole. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Sourate Al-A'raf, verset 180. Abu Hanifa dit: il est détestable que celui qui invoque dise: je te demande par le droit d'un tel ou d'un tel, ou par le droit de tes prophètes et messagers, et par le droit de la maison sacrée et du sanctuaire sacré. Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya, page 234. Et Abu Hanifa a dit: il n'est pas profitable d'invoquer Allah, excepté par lui, et il est bien plus détestable de dire par les jointures de l'honneur de ton trône, ou par le droit de ta création. Al-Fiqh al-Absat, page 56. Voilà ce que nous savons de l'adoration et de l'invocation près des tombes et d'invoquer d'autres en dehors d'Allah. Nous avons pris ceci du Coran et de la Sunna authentique, mais lisons ce que Mohammed Zakaria al-Qandahlawi écrit dans Fada'il al-Amel. Dans Fada'il al-Durud, page 97. Ainsi dans l'Hikaya numéro 35. Le messager d'Allah a prétendument dit: celui qui veut quelque chose de n'importe qui devrait aller à sa tombe et invoquer Allah pour cela. Encore à la page 109, numéro d'incident, Al-Hikaya 48, Fathat al-Durud, le dernier chapitre dans Fada'il al-Amel, volume 1. Abu Khayr Qattah dit cela: je suis allé à Médine et je suis resté là pendant 5 jours, mais je n'ai pas atteint le plaisir et la satisfaction. Je suis allé aux tombes du prophète. Ici, il évoque les compagnons en disant son Altesse, Abu Bakr et de Omar. Et je dis: ô messager d'Allah, je suis ton invité ce soir. Alors, je suis parti et j'ai dormi derrière le minbar. J'ai vu dans mon rêve le prophète d'Allah avec Abu Bakr à sa droite, Omar à sa gauche et Ali devant eux. Ali m'a alors secoué et m'a indiqué que le messager d'Allah était venu me voir. Je me suis levé, j'ai embrassé le prophète entre les yeux. Le messager d'Allah m'a alors donné un morceau de pain dont j'ai mangé la moitié, et quand je me suis réveillé, l'autre moitié était dans ma main. Que veut prouver Zakaria Qandahlawi par ses mauvaises inventions? Qu'invoquer près des tombes est rétribué par la visite du prophète lui-même et un morceau de pain, et que des choses faites en rêve durent après la fin du rêve. Non, mais Zakaria Qandahlawi veut suggérer à ses lecteurs que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses illustres compagnons ont visité Sheikh Qattah dans la vraie vie, et pas simplement en rêve. Ces deux incidents suffisent pour prouver l'enseignement du culte des tombes dans Fada'il al-A'mal. Mohamed Zakaria Kandahlaoui a d'abord fabriqué un hadith puis une histoire entière. Mais ce n'est pas la fin du shirk et du mensonge dans Fada'il Amal. Ce n'est que le début. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu pour interdire le shirk de la plus sévère des manières, mais aussi fermer la porte à tout ce qui peut mener au shirk. Ainsi, interdire la prière vers une tombe, interdire l'inutile exagération des gens au-delà de ce qu'ils sont, interdire de porter des talismans, interdire de faire serment auprès d'un autre qu'Allah, interdire la construction de mosquées et de tombeaux au-dessus des tombes, commander la destruction des images et des statues et niveler les tombes qui étaient élevées et bien d'autres choses encore. Viennent alors les passions de Mohamed Zakaria Kandahlaoui qui invente dans la croyance, profère d'énormes mensonges contre cette religion et contre le messager sallallahu alayhi wa sallam sans aucune preuve ou isnet, chaîne de hadith ou référence, et ouvre les mêmes voies vers le shirk que le messager sallallahu alayhi wa sallam a fermé. Et ceci en effet est le cachet caractéristique de Fada'il al-A'mal et d'autres livres de l'innovation et de l'hérésie employés par Jama'at al-Tablir. 2. La croyance que le messager d'Allah est Hadir ou Nadir, omniprésent, enseigné dans Fada'il al-A'mal, c'est-à-dire qu'il est présent partout et aide les siens pendant des périodes de détresse. Cette croyance est fausse à la lumière du noble Coran et de la Sunna authentique. En effet, Allah l'exalté, à qui appartient la louange, indique dans le Saint Coran, dans le sens du verset. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Sourate Yusuf, verset 102. De plus, si nous devions croire que le prophète était présent partout, alors quelle était l'utilité d'émigrer de la Mecque à Médine, de laisser Médine et d'aller à Badr? Quand il, sallallahu alayhi wa sallam, est à la Mecque, il n'est pas à Taïf, et quand il est à Taïf, il n'est pas à Tabouk. Ceux qui prétendent que le prophète est Khadir ou Nadir tirent cela du fait que le messager d'Allah a rencontré Moussa alayhi salam dans le sixième ciel pendant le Mi'raj et l'a aussi vu prier dans sa tombe. À cela nous disons, c'est un miracle d'Allah. Il a, dans sa sagesse infinie, montré ses signes à son messager sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah dit dans le Coran, nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Sourate Isra, verset 1. Une coupure sur la main de n'importe qui ferait jaillir le sang. Mais par deux fois, Allah a fait couler l'eau des doigts de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais lors des blessures qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, a reçues à Uhud, le sang a jailli, pas l'eau ou la lumière. Les miracles ont des buts spécifiques et des moments déterminés. Ils ne peuvent pas être utilisés comme preuve, particulièrement dans les sujets qui touchent à la croyance. Ainsi, la croyance que le messager sallallahu alayhi wa sallam présent partout est fausse. Mais le livre Fada'il al-A'mal propage cette croyance dans pas moins de 10 endroits, en particulier dans Fada'il al-Durud. Lisons donc. Mohamed Zakaria Kandahlaoui rencontre à la page 84. Incident Hikaya numéro 4. Fada'il al-Durud. Minhaj al-Hasanat. Cite le livre Fajr Munir de Ibn Faqhafi où on lit qu'un buzurg très pieux, littéralement l'aîné, mais devrait être compris comme pire, nommé Moussa Darir, relate son histoire. J'étais par là passé à bord d'un bateau qui commençait à couler. Le messager d'Allah me rendit visite à ce moment et m'enseigna d'informer les gens du bateau de réciter le Durud. Prié sur le prophète 1000 fois. Nous avions récité seulement 300 fois que le bateau redevint stable. Quand un bateau coule, ses passagers se sentent-ils somnolents ou sont dans un état de panique? On peut excuser cette histoire car il s'agit seulement d'un rêve, mais le récit suivant vous laissera dans le dégoût. Lisez ce que les disciples de Deoband ont dans leur esprit dégoûtant. Fada'il al-Durud, page 109, incident Hikayat numéro 46. Hafid Abu Na'im rapporte de Soufiane al-Tawri, un jour, Soufiane, sortais quand j'ai vu un homme qui récitait le Durud à chaque pas. Je lui ai demandé, cette action a-t-elle une base? Ou est-ce juste ta propre action? Il demanda, qui es-tu? Je répondis, je suis Soufiane. Il demanda alors, le Soufiane d'Irak? Je répondis, oui. Il a alors demandé, quel type de connaissance d'Allah as-tu? J'ai répondu, il tire la nuit hors du jour, et le jour de la nuit et crée le visage de l'enfant, en bas âge, dans l'utérus. Il répondit, alors tu ne sais rien. J'ai alors demandé, comment connais-tu Allah? Quel est ton durud? Il répondit, je suis allé avec ma mère au Hajj et ma mère est morte. Et ma mère est morte là, son visage est devenu noir et son estomac a gonflé au point que je me suis rendu compte qu'elle avait commis de grands péchés. Je levai mes mains pour invoquer Allah quand j'ai vu que dans la direction du Hijaz, un nuage apparaître, duquel émergea un homme. Il plaça sa main sur le visage de ma mère et il s'illumina et il frotta sa main sur son estomac et le gonflement disparut. Je lui ai demandé qui était-il. Je lui ai demandé qui il était, qui avait soulagé ma mère et moi-même de nos difficultés. Il a répondu, je suis votre prophète Mohammed. Je lui ai alors demandé de me conseiller. Il m'a instruit de prier sur lui à chaque pas. Quel horrible mensonge et affreuse insulte pour notre prophète bien-aimé. Zakaria Qandahlawi veut nous faire croire que le messager d'Allah est vivant et circule et dans les gens. Et quel mensonge sans scrupule il a fabriqué. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que son épouse Aïcha a décrit comme étant plus pudique qu'une vierge voilée, massant le visage et l'estomac des femmes. Je demande aux disciples de Oband de Jama'at Tablir. Les missions de secours du prophète sont-elles arrêtées ou continuent-elles à ce jour? Pourquoi ne vient-il pas au secours des musulmans du Cachemire, de Palestine et de Tchétchénie? Je demande au Tablir, où était le prophète quand Omar fut assassiné, quand Othman fut assassiné et quand Ali fut assassiné? Stop, frère musulman, vois-tu les mensonges et les insultes qui sont lancés sur le messager d'Allah au nom de l'amour, au nom de l'islam? À de tels menteurs, nous disons seulement que celui qui forge intentionnellement un mensonge contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prépare sa place dans le feu. Et quelle mauvaise demeure. Mais ce n'est pas la fin des mensonges. Zakaria Qandahlawi continue et dit ceci. 1. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrasse un soufi aliéné. Fada'ir ad-Durud, incident 42, page 102. 2. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend du ciel sur un nuage avec un morceau de pain dans sa main afin de nourrir ses pieux successeurs. Fada'il ad-Durud, incident 48, page 110. 3. Le messager d'Allah, le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, enlève des poils de sa barbe et les donne à un homme mourant afin de le guérir. Fada'il ad-Durud, page 110, incident 48. Qu'Allah nous préserve de fabriquer de tels mensonges, insultes et non-sens contre le messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous mette parmi les buveurs du Haoud bassin d'Al-Kawthar. Ali, qu'Allah l'agré, rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne mentez pas sur moi, car celui qui ment sur moi entre au feu. » Rapporté par le Bukhari. Zubayr Abu Abdullah rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ment intentionnellement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. » Al-Bukhari. Salama relate que le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit sur moi cela que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. » Rapporté par le Bukhari. 3. La propagation de la croyance que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans sa tombe, qu'il écoute et a connaissance de l'invisible. L'auteur de Fada il al-Amel, Mohamed Zakaria, Qandahlawi, croyait et voulait propager que le messager d'Allah est vivant dans sa tombe et nous écoute, qu'il a la connaissance de l'invisible. Pour un musulman d'Ahl Sunnah wal Jama'a sur la croyance de nos pieux prédécesseurs, la croyance en de telles hérésies n'est rien d'autre que du kufr, mécréance, et du shirk, association. Ils sont en opposition directe avec le noble Coran et la Sunna authentique d'Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le fait qu'il soit vivant et qu'il nous écoute, la parole d'Allah la plus véridique des paroles a éclairci les faits pour nous. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Et est-ce que si tu meurs, toi, ils seront, eux, éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons et par le bien de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Anbiya, verset 34, 35. Et aussi, en vérité, tu mourras et ils mourront aussi. Sourate Az-Zumar, verset 30. Et qui peut oublier le discours historique d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, si ce ne sont les innovateurs? Il dit à une justesse, maintenant pour celui qui adore Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est mort. Mais pour celui qui adore Allah, il est le vivant qui ne meurt pas. Allah dit dans le sens du verset, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourrait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Sourate Al-Imran, verset 144. Ibn al-Musayyib rapporte que Omar a dit, Par Allah, dès que j'ai entendu la parole d'Abou Bakr, je suis tombé à terre. Je me suis senti comme si mes jambes ne pouvaient plus me porter. Ainsi, je me suis effondré quand je l'ai entendu le dire. Seulement, alors, j'ai réalisé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vraiment mort, rapporté par le Bukhari. Il devrait maintenant être clair pour chaque musulman que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne vit plus dans la vie de ce monde. Cela nous amène au deuxième point qui doit être traité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède la connaissance de l'invisible. La parole d'Allah dans le verset. Et c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Sourate Al-An'am, verset 59. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Surat Al-An'am, verset 65. Dit, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Sourate Al-A'raf, verset 188. Dit, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dit, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, verset 50. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calam pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Sourate Al-Imran, verset 44. Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Sourate Hud, verset 31. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera au pieux. Sourate Hud, verset 49. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Sourate Yusuf, verset 102. Et ils disent, que ne fait-on descendre sur lui un miracle de ton Seigneur? Alors dit, l'inconnaissable relève seulement d'Allah. Attendez donc, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Sourate Yunus, verset 20. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Sourate Al-An'am, verset 65. Quiconque a une croyance contraire au point cité ci-dessus, alors il est dans un égarement total, et se tenir à une telle croyance constitue réellement du kufr et du shirk, en plus qu'il nie les bases du tawhid, l'unicité. Oui, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a une connaissance de l'invisible à certaines occasions, mais il ne le connaissait pas au départ. Cela est venu d'Allah, qui lui a donné cette connaissance dans certaines situations et certains événements, comme un miracle et un signe de sa véracité en tant que messager d'Allah. Connaisseur de l'inconnaissable, il ne le dévoile à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager, qu'il fait précéder et suivre de gardien vigilant. Sourate Al-Jin, verset 26-27. Mais celui qui prétend que les prophètes et messagers ont connaissance de l'invisible est au bord du kufr, et c'est en Allah que nous cherchons refuge. Mais les innovateurs, comme les figures de Jama'at Tablir, qui permettent à cette fausseté d'être enseignée, ne comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre ces affaires, qui sont aussi claires que le jour dans le noble livre d'Allah. Pourtant, l'auteur de Fada'il al-A'mal, de Zakaria al-Qandahlawi, fabrique le plus grand mensonge, insulte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme aucun mécréant ne l'aurait fait. Qandahlawi écrit à la page 115, incident Hikaya numéro 50, Fada'il al-Durud, dernier incident au Hikaya dans Fada'il al-A'mal, volume 1. Il rapporte l'événement d'une personne inconnue du nom de Maulana Jamil. Maulana Jami partit pour accomplir le Hajj et il eut l'intention de se tenir près de la tombe du messager et d'y réciter des poèmes. Après avoir accompli son Hajj, il partit pour Médine. L'émir de Médine vit le prophète en rêve et le prophète l'instruit d'empêcher Jamir de venir à Médine. L'émir resserra la sécurité, mais l'ardeur de l'ishq, le mot ishq est utilisé pour cet amour qui est accompagné de convoitise. Pour visiter le prophète, l'avait complètement rattrapé et il poursuivit son chemin vers Médine. L'émir vit à nouveau le prophète dans son rêve. Il l'instruit de ne pas laisser Jamir entrer. L'émir déploya ses hommes et Jamir fut arrêté. Il fut transporté et jeté en prison. L'émir vit alors le prophète pour la troisième fois qu'il l'informa qu'il, Jamir, n'était pas un criminel, mais qu'il avait composé quelques vers de poésie qu'il voulait réciter au-dessus de ma tombe. Et s'il l'avait fait, c'est-à-dire réciter la poésie au-dessus de la tombe, ma main serait sortie de la tombe pour le saluer, et ceci aurait causé une fitna, épreuve tentation. Par conséquent, Jamir sortit de prison avec les honneurs et le respect qui lui étaient dus. Mohamed Zakaria ajoute, « Je n'ai aucun doute sur cette histoire, mais ma faible mémoire et ma maladie m'empêchent de me rappeler dans quel livre elle est rapportée. Si quelqu'un parmi les lecteurs trouve l'histoire par hasard dans n'importe quel livre, alors que je suis en vie, qu'il m'en informe. Et si c'est après ma mort, alors ajoutez s'il vous plaît la référence au bas de l'histoire comme renvoi de bas page. » Astaghfirullah, quel mensonge délibéré et sans scrupule. Zakaria n'a eu aucune culpabilité ou crainte à fabriquer de tels mensonges et à les attribuer au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de la façon pathétique vue ci-dessus. Il dit qu'il ne peut pas se rappeler en quel livre elle est rapportée, et invite alors ses successeurs à l'informer s'il s'est trompé. Pourquoi donc la relater en premier lieu, faisant un mensonge clair sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans compter ce qu'elle contient comme égarement. Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il est suffisant pour qu'un homme soit considéré comme un menteur qu'il répète tout ce qu'il entend, rapporté par Muslim. Et il a également rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: viendront à la fin des temps le Dajjal, les menteurs qui viendront à vous avec des hadiths dont ni vous ni vos ancêtres n'auront entendu parler. Alors prenez garde et prenez garde à eux, de peur qu'ils ne vous égarent et ne vous mettent à l'épreuve. Sahih Muslim, dans le Musnad de Ahmed, hadith sahih. Et Ibn Hibban a inclus les hadiths sur l'interdiction du mensonge sur le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le chapitre « Quiconque attribue quelque chose à Al-Mustafa, tout en ne sachant pas si c'est authentique, entrera au feu. » Il cita alors le hadith d'Abu Huraira: « Celui qui dit sur moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. » Sahih Ibn Hibban à page 27. De plus, et encore plus grave, n'est-ce pas du shirk que de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît les intentions des hommes depuis sa tombe? Qui est le seul à connaître le destin des hommes? Allah, quelle horrible croyance est ici propagée! Mais Zakaria Qandahlawi ne s'arrête pas là. Il a dû prouver le rang élevé et l'ascétisme de ces saints de soufis. Lisons ce qu'il rapporte dans le même événement. Sayyeb Ahmed Rifa'i est un buzurg, célèbre et fait partie des anciens soufis. Son histoire est célèbre que lorsqu'il est parti en Hajj en 555 de l'Hégire, il s'est tenu près de la tombe du prophète à Médine et récita deux vers de poésie. La main du prophète sortit et il l'embrassa. Je doute que le passage ci-dessus ait été écrit par un musulman saint d'esprit. De tels mensonges, inventions et insultes ne peuvent venir que d'un ennemi des enseignements purs de l'islam. Mais dans le cas présent, il vient de celui qui est supposé être Shir al-Hadith, le connaisseur d'Allah, l'axe du monde, Mohammed Zakaria Qandahlawi. Mes frères et sœurs musulmans, vous venez de lire les histoires de shirk, polythéisme, d'innovation, bid'a, et de mensonges sur le messager d'Allah. Ce sont là quelques mensonges parmi les nombreux qui sont cachés dans les deux volumes du Fada il al-A'mal. Nous avons seulement parcouru Fada il al-Durud. Il reste Fath al-Hajj, Sadaqa, Dikr, Salat, Ramadan. Inch'Allah, le shirk et les mensonges dans ces chapitres seront bientôt exposés à la lumière du Coran et de la Sunna authentique. Ainsi, prenez garde, mes frères et sœurs, prenez garde de rester avec Jama'at et Tablir, ou de sortir avec eux et de les écouter de peur que vous ne sombriez également dans le gouffre du shirk et de la bid'a, parce qu'ils corrompent le cœur de l'esprit et mènent à la sottise et à la folie. Plutôt, prenez le conseil de nos nobles et pieux prédécesseurs. Al-Fudayl ibn Iyad a dit: j'ai rencontré les meilleurs des gens, tous étaient des gens de la Sunna, et ils interdisaient d'accompagner les gens de l'innovation. Rapporté par Al-Lalakai, numéro 267. Al-Hassan al-Basri a dit: ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation et des passions, ne discutez pas avec eux, ne les écoutez pas. Rapporté par Darimi dans son Sunan, volume 1, page 121. Abu Qulaba a dit: Ne vous asseyez pas avec eux et ne vous mélangez pas à eux, car je crains qu'ils ne vous noient dans leur égarement et ne vous embrouillent sur ce que vous savez. Al-Lala Cahier numéro 244. Qu'Allah nous maintienne fermes sur le Tawahid et la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et nous maintienne toujours loin du déshonneur, du shirk et de la bid'a et des enseignements de Jama'at et Tablir. Qu'Allah fasse que cette compilation soit seulement dans la recherche de sa satisfaction et le pardon de mes péchés. Nous sommes à Allah et à lui nous retournons.